Lettre 30e. Madame Récamier, ses matinées, le portrait de Corinne par Gérard, le portrait en miniature de Madame de Staël, Monsieur de Chateaubriand, conversation sur la manière dont les étrangers comprennent la langue française, de la nécessité de parler français. De toutes les femmes dont j'ai fait la connaissance à Paris, celle qui me paraît offrir le plus parfait modèle d'une Française élégante est Madame Récamier. Cette même Madame Récamier, que je me rappelle d'avoir vue à Londres, je n'ose dire combien il y a d'années, l'objet de l'admiration universelle. Et chose merveilleuse, elle l'est encore. Autrefois, je ne la connaissais que pour l'avoir vue en public, où on me l'avait désignée comme la plus belle femme de l'Europe. Mais maintenant que j'ai le plaisir de la connaître personnellement, je comprends fort bien, et beaucoup mieux que vous ne le pourriez faire, comment et pourquoi il arrive que des charmes, d'ordinaire si passagers, soit si durable chez elle. Elle est, à vrai dire, un modèle de toutes les grâces. Elle est généralement reconnue pour être parfaite pour la personne, pour les manières, pour les mouvements, pour la toilette, pour l'organe, pour le langage, et je ne saurais imaginer de meilleurs moyens pour donner le dernier poli à l'éducation d'une jeune personne que de lui procurer l'occasion d'étudier chaque pose, chaque geste de Madame Récamier. Il est certain qu'elle accapare une foule de talents et d'attraits qui, partagés dans les proportions ordinaires, suffiraient pour former une légion de femmes divines. Je n'ai jamais vu de Français qui n'ait avoué que, quoique les femmes de son pays fussent charmantes par certains agréments qui paraissent leur appartenir en propre, il y avait, généralement parlant, moins de belles femmes parmi elles qu'en Angleterre. Mais cependant, ajoutait-il, quand une Française se mêle d'être jolie, elle est furieusement jolie. Ce mot est aussi exact pour le fait que piquant pour l'expression. Une belle Française est peut-être la plus belle femme du monde. La beauté de Madame Récamier faisait d'elle jadis une merveille, et maintenant qu'elle a passé l'âge où la beauté est à son plus haut période, elle est peut-être plus merveilleuse encore, car je doute qu'elle ait jamais excité plus d'admiration qu'en ce moment. Elle est suivie, recherchée, regardée, écoutée, et qui plus est, aimée et estimée d'un vaste cercle de la première société de Paris, dans lequel on rencontre les hommes de lettres les plus illustres de la France. On est si généralement d'accord pour trouver son cercle aussi délicieux que sa personne, qu'en ajoutant ma voix à celle de tout le monde, je fais preuve, peut-être, d'autant de vanité que de reconnaissance pour le privilège d'y avoir été admise. Mais une fois que l'on a obtenu cette faveur, si l'on se trouve dans le cas de parler de la société de Paris, je ne crois pas qu'il soit possible d'omettre un trait aussi frappant de cette société que l'est le salon de Madame Récamier. Elle fait en sorte que jusqu'aux objets inanimés qui l'environnent participent au charme que sa personne rend si remarquable. Il y a dans tous ces objets une élégance finie qui offre un attrait irrésistible. Je suis souvent entré dans des salons assez vastes pour contenir son appartement tout entier, mais je les ai toujours trouvés infiniment moins frappants dans leur magnificence que son charmant petit salon à l'abbaye au bois. Les riches draperies de soie blanche, la teinte d'un bleu délicat qui s'y marie dans toute la pièce, les glaces, les fleurs, tout se réunit pour donner à cet appartement un air qui s'accorde merveilleusement avec sa belle habitante. On pourrait croire que Madame Récamier elle-même est vouée au blanc, car elle ne porte absolument aucun vêtement qui ne soit d'une blancheur éblouissante, et à dire vrai, le mélange de toute autre couleur semblerait presque une profanation auprès de l'exquise délicatesse de sa personne. Madame Récamier reçoit le matin un petit nombre d'amis dont les noms sont donnés au domestique qui se tient dans l'antichambre. Ces visites se font tous les jours depuis 4 heures jusqu'à 6. C'est là que je fus assez heureuse pour être présentée à Monsieur de Chateaubriand, que depuis ce temps j'ai eu plusieurs fois la satisfaction d'y rencontrer, satisfaction que je n'oublierai certainement jamais, et pour laquelle j'aurais volontiers sacrifié la moitié des belles choses qu'un voyage à Paris procure l'occasion d'admirer. Le cercle qu'elle reçoit ainsi n'est jamais considérable, et la conversation y est toujours générale. Le premier jour que j'y allais avec ma fille, nous n'y trouvâmes, je crois, qu'une dame et une demi-douzaine d'hommes, au nombre desquels était Monsieur de Chateaubriand. Un magnifique tableau de Gérard, conçu avec hardiesse et sublimité, et exécuté avec sa perfection ordinaire, occupe un des côtés de cet élégant salon. Le sujet du tableau est Corinne, dans un moment d'inspiration poétique. Elle tient sa lyre à la main et son front est couronné de lauriers. Si ce n'était les costumes modernes des personnages qui l'entourent, on pourrait la prendre pour Sappho. Jamais cette femme passionnée, martyre invoquée par les amants, n'a été peinte avec plus de sublimité, plus de sentiment d'une poésie élevée, plus d'exquise grâce féminine. La vue de ce chef-d'œuvre fit naturellement tomber la conversation sur Madame de Staël. On raconta sa liaison avec Madame Récamier, comme aussi la réponse mordante qu'elle fit à un homme qui, s'étant placé entre elles deux, eut la maladresse de dire « Me voilà entre l'esprit et la beauté, sans posséder ni l'un ni l'autre, » répondit Madame de Staël. Ma connaissance de cette liaison m'engagea à profiter de l'occasion pour demander à Madame Récamier si réellement Madame de Staël avait eu l'intention de se peindre dans le personnage de Corinne. « Assurément, » me répondit-elle, « l'âme de Madame de Staël est complètement développée dans celle de Corinne. » Puis, se retournant vers le portrait, elle ajouta « Ses yeux sont les yeux de Madame de Staël. » Elle me fit voir une miniature représentant son amie dans tout l'éclat de sa jeunesse, à un âge où elle n'était certainement pas connue de Madame Récamier. En effet, les yeux avaient la couleur et l'expression d'inspiration de ceux que Gérard a donnés à Corinne. Mais l'artiste avait trop de goût ou trop peu de courage pour oser pousser la ressemblance plus loin. Les grosses lèvres et le menton court et gros de la véritable Sibylle sont changés sur la toile en tout ce que la beauté d'une femme a de plus attrayant. L'âge qu'indiquent les traits offerts par la miniature fait connaître, avec assez de certitude, l'époque où elle fut faite, et ne me donna pas une idée bien avantageuse du goût qui régnait à cette époque. Une tête coiffée à la Titus est placée sur des bras, et sur un buste aussi dépourvu de draperie, mais plus rebondi que ceux de la Vénus de Médicis. Pendant que nous regardions alternativement le tableau et le portrait, et que nous faisions des réflexions sur l'un et sur l'autre, je fus frappé du noble front, des beaux yeux et du langage singulièrement gracieux d'une personne qui était assise en face de moi. Je fis observer à Madame Récamier que peu de romans avaient l'honneur de fournir le sujet d'un aussi beau tableau que celui de Gérard, et j'ajoutai que par divers motifs, elle devait être fort heureuse de le posséder. « Cela est vrai, » me répondit-elle, « mais ce n'est pas mon seul trésor en ce genre. J'ai encore le dessin original de l'Atala de Giraudet, dont vous avez certainement vu bien souvent la gravure. Permettez que je vous le fasse voir. » Nous la suivîmes dans la salle à manger où cet intéressant dessin était placé. « Vous ne connaissez pas Monsieur de Chateaubriand, » me dit-elle. Je répondis que je n'avais pas ce plaisir. « C'était lui qui était assis en face de vous dans le salon. » Je la priai de vouloir bien me présenter à lui, et elle eut cette bonté quand nous rentrâmes dans le salon. La conversation reprit son cours de la manière la plus agréable. Lamartine, Casimir de Lavigne, Alexandre Dumas, Victor Hugo et quelques autres furent passés en revue et jugés avec une critique légère, mais vraie et spirituelle. Nos Byron, Scott, etc. suivirent, et il fut évident qu'ils avaient été non seulement lus, mais compris. Je demandai à M. de Chateaubriand s'il avait connu Lord Byron. Il me répondit « Non », et ajouta « Je l'avais précédé dans la vie, et malheureusement il m'a précédé au tombeau. » On examina la question jusqu'à quel point une nation est parfaitement capable d'apprécier la littérature d'une autre, et M. de Chateaubriand se prononça pour l'opinion que cette appréciation devait nécessairement être très imparfaite. Il fit à ce sujet bien des observations qui me parurent d'une vérité incontestable, surtout en ce qui concerne les nuances légères et délicates d'expression, dont la grâce subtile semble si constamment échapper à la première tentative que l'on fait pour la transporter dans une autre langue. Cependant, je crois que la plupart des Anglais, en état de lire le français, sont plus au fait de la littérature de la France que M. de Chateaubriand ne le suppose. L'usage si généralement répandu parmi nous de lire cette langue, pour ainsi dire au sortir de l'enfance, nous la rend plus familière qu'il ne pense. Il a paru douter que nous puissions comprendre Molière, et a nommé La Fontaine comme un auteur que nul autre qu'un Français ne peut sentir. Je ne saurais convenir de cela, quoique je ne m'étonne pas qu'une pareille idée existe. Tous les Anglais qui viennent à Paris sont absolument obligés de parler français, qu'ils le sachent ou non. S'ils ne peuvent en prendre le courage, ils doivent renoncer à l'espoir de parler, ou de s'entendre adresser la parole du tout. Et il me semble que cette circonstance seule suffit pour expliquer d'une manière très satisfaisante ce doute sur l'étendue de la connaissance que les Anglais ont de la langue française. Tout Français, pourvu qu'il ait l'occasion de rencontrer de temps en temps des Anglais dans la société, doit nécessairement avoir les oreilles et la mémoire remplies de faux accords, de faux temps et de faux accents. Faut-il s'étonner, d'après cela, qu'il pose comme un fait certain que ceux qui parlent ainsi ne comprennent point la langue qu'ils écorchent si cruellement? Cependant, quelque plausible que soit cette conclusion, je ne sais si elle est juste. L'helléniste le plus savant, soit en France, soit en Angleterre, serait-il en état de soutenir une conversation familière en grec? Le cas est précisément le même, car j'ai connu bien des personnes qui étaient sans contredit capables de goûter la beauté des ouvrages français avec le goût pur d'un critique achevé, et qui auraient été probablement inintelligibles s'ils avaient essayé de parler cette langue pendant 5 à 6 minutes de suite, tandis que d'autres, au contraire, qui avaient eu l'avantage d'avoir une femme de chambre ou un valet français, possédaient un accent fort passable et beaucoup de facilité pour imiter les tournures familières de la conversation, mais auraient été fort embarrassés s'il eût fallu faire la construction du passage le plus facile de Rousseau. On rencontre parmi les Français bien élevés un grand nombre de personnes qui lisent l'anglais et qui entrent avec beaucoup de justesse dans l'esprit de nos écrivains. Mais entre ces mêmes personnes, il n'y en a pas une sur 50 qui voulut prononcer un seul mot d'anglais dans la conversation. Quoiqu'ils supportent, de notre part, avec une gravité polie et tout à fait imperturbable, les bévues les plus comiques qu'il soit possible de faire, ils ne veulent point courir le risque d'en commettre à leur tour. Tout ce qui a rapport aux manières de la bonne société est regardé comme sacré par ses membres, et s'ils croient manquer à la bienséance en riant des erreurs des autres, ils évitent avec le même soin l'impardonnable offense d'en commettre eux-mêmes. Je ne crois pas qu'il fût possible à un Français d'entrer en conversation, pour le seul plaisir de causer quand cela n'est pas nécessaire, sans qu'il soit certain d'avance, ou du moins sans croire qu'il est certain de s'exprimer avec pureté et élégance. L'idée d'énoncer une pensée fut-elle la plus brillante ou la plus noble qui soit jamais entrée dans l'esprit d'un homme, de l'énoncer, dis-je en des termes baroques ou ridicules, serait accompagnée d'une sensation de répugnance qui suffirait pour imposer silence au plus vif et au plus loquace de tous les Français. Les Anglais sont donc obligés, durant l'heureuse époque de relations constantes et intimes entre les deux pays dans laquelle nous vivons, de faire, dans toutes les occasions, le sacrifice de leur vanité pour satisfaire leur goût pour la conversation, faisant solécisme sur solécisme et confondant tous les accents plutôt que de renoncer à l'extrême plaisir d'écouter les phrases bien arrondies, les périodes gracieuses, les tours épigrammatiques qui forment une partie si essentielle de la véritable conversation des Français bien élevés. Mais les doutes exprimés par M. de Chateaubriand sur la capacité des étrangers pour bien saisir toute la finesse et la grâce des écrivains français ne se bornent pas aux Anglais seulement. Les Allemands en partagent les faits avec nous. Et il cita à cette occasion un des plus célèbres critiques de l'Allemagne qui, dans un ouvrage récemment publié, a commis les erreurs les plus étranges en plaçant parmi les écrivains illustres de la France des hommes qui n'y ont jamais joui de la moindre réputation. Dans les visites que j'ai faites depuis à Madame Récamier, je l'ai plus d'une fois amenée sur le chapitre de l'illustre amie qu'elle regrette, et c'est avec un intérêt infini que j'ai prêté l'oreille à tout ce que cette charmante femme m'a raconté de Madame de Staël. Chaque mot qu'elle prononçait semblait un mélange de peine et de plaisir, d'enthousiasme et de regret. Il est douloureux de penser à l'impossibilité qui existe pour elle de jamais remplacer une semblable amie. Elle paraît le sentir et s'être entourée en conséquence de tout ce qui pouvait contribuer à lui rappeler la mémoire de celle qu'elle a perdue. Dans sa chambre à coucher, on voit l'original du portrait posthume de Madame de Staël par Gérard, que tout le monde connaît, et qui a été reproduit non seulement par la gravure, mais encore sur des vases de porcelaine, des tasses, etc. La miniature dont j'ai parlé est toujours auprès d'elle, et la figure inspirée de sa Corinne, dans laquelle il est évident que Madame Récamier croit retrouver de son amie une ressemblance qui ne se borne pas seulement aux traits de la physionomie, semble être pour elle un objet de vénération autant que d'amitié. Il est délicieux pour moi de me rapprocher ainsi, avec un seul intermédiaire, d'un être que j'ai toujours accoutumé à regarder comme planant dans les nues. Quelque admirable, quelque aimable que soit sous sans rapport à mes yeux Madame Récamier, son ancienne amitié et ses regrets constants pour Madame de Staël donnent un bien plus haut degré de sublimité à l'intérêt qu'elle m'inspire. Fin du tome 1er de Paris et les Parisiens en 1835 de Frances Trollope.